du quoi, garçon? Swag Verbal Production Neg. DJ Shorty. Dada. Nicho. Zixo. Calico. Tout ça vient 35 000 renseigne sur les bails, c'est pour les MC de taille. Ce soir, faut qu'on s'en jaille, faut qu'on mette le dawa. Faut qu'on branche le micro avec du swag et un stylo. Nique ton Zixo Calico, MC tout droit sorti du réseau. C'est quand la première image, même pas la dernière. T'as mal comme monastère ou en rime en guise de prière. Je pense en ça sur ma quête, mais jamais mis en barquette. Je m'en place sur mon jet avec la bille sur la tête. Bah moi je t'avais dit MC qu'on serait là. Avec du flow, avec du swag. Sur l'ensemble j'en place une pour tous les gars. Qui me suivait et qui croit en moi. On est là pour vos enchailles, on va pas détaler. On a du swag, on est au fait, on va toujours faire bouger. On est là pour vos enchailles, on va pas détaler. On a du swag, on est au fait, on va toujours faire bouger. On est là pour vos enchailles, on va pas détaler. On a du swag, on est au fait, on va toujours faire bouger. Eh eh, oh oh, eh eh. On est là pour vos enfailles, on va pas détaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. On est là pour vos enfailles, on va pas détaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. Calico m'a dit, vas-y viens gratter un texte. Moi je suis parolier donc normal je gratte sans contexte. Lyrics aiguise et je m'anime mon art à ma guise. Pour moi les cours c'est comme mon assurance. C'est à ma guise, le week-end tu crois que je révise. Mais non je tease, moi j'artise, dès qu'on va tease, dis pas de bêtises. Y'aura toujours des gens qui parleront dans ton dos. Assez jaloux, j'ai pas de cadeau, je sais qu'ils me mènent en bateau. Gros, j'ai le seul, toi mon tel n'a pas de réseau. Quand tous mes projets tombent à l'eau, bah moi je tombe de haut. Mais bon je sais me relever, t'inquiète je suis bien entouré. Yeah, j'ai la famille et tous les potes pour m'épauler. Ok, shot. On est là pour vos enchailles, on va pas l'étaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. On est là pour vos enchailles, on va pas l'étaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. On est là pour vos enchailles, on va pas l'étaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. Eh eh, oh oh, eh eh. On est là pour vos enchailles, on va pas l'étaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. On est là pour vos enchailles, on va pas l'étaler. On a du swag, on est OP, on va toujours faire bouger. Sunshine, c'est quoi les bails? La soirée. On est là pour vous enchaîner, on va pas décaler. On a du swag, on est au pays, on va toujours faire bouger. On est là pour vous enchaîner, on va pas décaler. On a du swag, on est au pays, on va toujours faire bouger. On est là pour vous enchaîner, on va pas décaler. On a du swag, on est au pays, on va toujours faire bouger. Eh eh, oh oh, eh eh. On est là pour vous enchaîner, on va pas décaler. On a du swag, on est au pays, on va toujours faire bouger. On est là pour vous enchaîner, on va pas décaler. On a du swag, on est au pays, on va toujours faire bouger. Calico, Zixo, Zito. Yeah.